t'aimer, à trop vouloir te passionner dans notre histoire, à trop rêver ou à trop y croire, je m'inventais de faux espoirs. Pour toi, ce n'était qu'un jeu, tu n'y voyais rien de sérieux. Moi j'avais des sentiments, je croyais tellement qu'avec du temps, tu apprendrais à te suffire de moi seulement. L'amour a des lois qu'on ne commande pas comme ça, et toi tu ne m'aimais pas. Seulement.